إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça me fait plaisir d'être ici avec mes frères et mes sœurs de Québec, la ville de Québec, alhamdoulilah. Et on s'est réunis aujourd'hui, les frères ont organisé cette rencontre. Et comme ils ont mentionné, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala la rende bénéfique et la bénisse également. Et comme ils ont mentionné, l'intention d'aider les gens à obtenir de la science et acquérir la connaissance de l'islam, de mettre les musulmans de Québec et d'ailleurs en contact avec les étudiants en sciences et les ulama, ça c'est une des plus grandes choses qui sont possibles à faire pour les musulmans, parce qu'on a tous besoin de cette science. On a plus besoin de la science du Coran et de la Sunna qu'on peut avoir besoin de la nourriture, ou même de l'eau, ou même de l'air qu'on respire. Donc cette science, c'est la nourriture de l'âme et c'est la source de notre guidance. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet, et c'est un sujet qui est fondamental, un sujet qui fait partie de la compréhension des fondements de l'islam, et c'est « Manzilatu sunna fi tashri' al-islami », c'est-à-dire le statut de la sunna dans la législation islamique. Et le livre qu'on va lire ensemble, c'est un livre écrit par le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah. Et c'est un parmi les grands ulama de notre siècle. Et c'est un cheikh qui est d'origine éthiopienne. C'est un cheikh qui est d'origine de l'Éthiopie. Et qui a étudié la science et fait beaucoup d'efforts dans la quête du savoir. Et j'ai déjà eu l'occasion de traduire un de ses livres. Il a écrit un livre qui s'appelle en arabe « Al-Aqidatu l'Islamiyya wa Tarikhuha » c'est-à-dire « La croyance islamique et son histoire ». Et j'ai fait la traduction de ce livre. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il a été publié. Et il est en vente en France. Et on a eu quelques copies ici au Canada, mais bon... Comme vous savez, la distribution, c'est un peu un problème parfois. Toutefois, ceux qui ne peuvent pas se procurer la copie papier, ils peuvent toujours trouver le PDF sur le site Salafi de Montréal. Et c'est un livre, donc, dans son introduction, vous trouverez la biographie du Cheikh Mohammed Aman Al-Jami. Donc, si vous voulez savoir un peu plus à propos de ce Cheikh, comme j'ai mentionné, vous pouvez aller sur le site Salafi de Montréal et trouver la copie PDF du livre « La croyance islamique et son histoire » et trouver dans l'introduction la biographie du Cheikh Mohammed Aman et son parcours dans la science et son niveau dans la science et également qu'est-ce que les grands savants de l'islam ont dit à son sujet. Et il a eu de nombreux chouyours, de nombreux savants qui ont été ses professeurs, parmi eux Cheikh Ibn Baz et beaucoup d'autres. Et il a eu aussi parmi ses élèves des grands ulama, des gens qui sont aujourd'hui des grands ulama. parmi eux Cheikh Rabi al-Madkhali et Cheikh Abdullah al-Bukhari et beaucoup d'autres. Donc, ayant dit ça, on peut commencer, Inch'Allah, dans l'introduction du livre. On va essayer de faire un bout de chemin dans l'introduction, étant donné que on a eu un peu de retard sur le chemin. Donc on va s'arrêter, on va avancer jusqu'à la prière de Dhuhr. Et après le Dhuhr, on reprend, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il commence l'introduction par Khutbatul Hajjah, qu'on a mentionné en introduction de qu'est-ce que je viens d'expliquer. Puis après, il dit, hein, il explique que qu'est-ce que je vais faire. Parfois, je vais lire le texte en arabe. Parfois, je vais faire la traduction directe, simultanée, pour sauver du temps s'il y a des passages qui sont plus longs, pour résumer un peu et pour aller plus vite, parce que j'avais divisé le livre en trois parties égales, puis pour essayer de pouvoir terminer le livre aujourd'hui. Mais étant donné que là on a moins de temps, donc je vais essayer de résumer un peu plus pour l'introduction. Donc il explique que les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés et qu'il a envoyés à ses messagers, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les hommes, c'est le lien entre les cieux et la terre. Et ce message, dans sa source et dans ses fondements, c'est un message unique. C'est-à-dire que tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'homme, à l'humanité, ils ont une base commune, qui est le tawhid. Et le Cheikh, il dit, إِذْ كَانَتْ كُلُّهَا تُنَادِي أَوَّلَ مَا تُنَادِي أُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. C'est-à-dire que tous les messagers d'Allah, la première chose à laquelle ils appellent leur peuple quand ils arrivent à eux, c'est de leur dire adorez Allah. C'est-à-dire adorez Allah seul, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Rien, il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté lui. Ça c'est le tawhid, c'est la base de l'islam et la base du message de tous les messagers que Allah a envoyés. Toutefois, les législations, les règles, les lois que chaque messager a apporté étaient différentes. Et les méthodologies également. Puisque chaque messager était envoyé à son peuple en particulier. Et avec sa langue en particulier. Donc chaque fois qu'un messager venait, il parlait la langue de son peuple. Et il venait à la lumière d'une méthodologie spécifique et une législation qui lui était particulière et qui lui était limitée. Et la chose a continué de cette façon, génération après génération, époque après époque. Allah a envoyé des messagers à tous les différents peuples selon le besoin. Et il y a dans ça une sagesse. Et à partir d'un moment, il y a eu une longue période de temps sans messager. Hein? Après Isa, alayhi salam, il y a eu une longue période de temps sans messager. Presque 600 ans. Yani, c'est une longue période. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par la suite faire en sorte que son message se termine. Et soit, hein, disons, le fait de compléter sa révélation et de sceller le cycle des prophètes et de la prophétie. Et il a choisi parmi ses serviteurs son prophète élu, son messager agréé, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdullah, al-Nabi al-Arabi al-Hashimi. C'est-à-dire le prophète Muhammad, fils d'Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a envoyé, non seulement, c'est-à-dire il l'a envoyé à un peuple, mais il l'a envoyé à toute l'humanité. Pas seulement pour un peuple spécifique. Il l'a envoyé à l'humanité tout entière. À tous les hommes, depuis son époque, jusqu'au dernier des hommes qui va vivre sur la terre. C'est pas un peuple spécifique limité dans le temps ou dans un lieu. Et yani, il est venu, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour ce but-là et l'a éduqué d'une éducation particulière, hein, et il lui a donné des bonnes manières, un bon comportement. Et même dans son enfance, quand il était enfant et petit, il y avait des signes qui montraient que ça n'allait pas être quelqu'un comme les autres, que ça n'allait pas être quelqu'un comme tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les hommes et lui a envoyé son dernier livre. Il n'y aura pas d'autre livre après lui, c'est le Coran al-Karim. Et c'est le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré comme étant muhaymin, c'est-à-dire un livre qui a le dessus sur tout ce qui a été révélé auparavant et qui abroge tout ce qui a été révélé avant, parmi les livres que les gens du livre ont reçus. Et il l'a décrit comme étant un livre puissant, un livre puissant et fort. Wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne peut pas l'atteindre, il ne peut pas l'approcher ni par devant ni par derrière. Et il décrit également le Coran en disant ce qui signifie, ou bien en disant en arabe, le verset Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. C'est-à-dire que ce livre, Allah guide par lui celui qui suit son agrément vers les chemins de la paix. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide vers un droit chemin. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de préserver ce livre. Et il dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel et nous nous chargeons de le préserver et de le garder. Et il a chargé son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête et le fiable et le digne de confiance, il lui a chargé de clarifier son livre. Et il dit wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. C'est-à-dire nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes ce qui leur a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se charge de préserver la révélation. Il préserve le livre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son devoir et sa charge, sa responsabilité, ou une de ses responsabilités, c'est de faire en sorte que cette révélation soit clarifiée pour les hommes. Le cheikh, il mentionne ensuite, cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, il dit « وَشَهِدَ لَهُ أَنَّهُ فِي بَيَانِهِ هَذَا شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ فِي بَيَانِهِ هَذَا وأداء أمانة الرسالة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc il explique que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la révélation, il ne parle pas selon la passion. Il ne fait que parler selon ce qu'on lui a révélé. Il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite et qui lui est révélée. Ça c'est le verset 3 et 4 dans sourate An-Najm. Après le cheikh il dit ولما كان هذا شأنه وهذه مكانته أوجب الله طاعته وحرم معصيته إذ يقول عز من قائل وأطيع الله وأطيع الرسول. Donc on a dit le messager d'Allah, c'est pas comme la parole de l'un d'entre nous. Il parle par la révélation. Il parle par ce que Allah lui a révélé. Donc ce n'est pas ses paroles à lui, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on suit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce n'est pas sa parole à lui qu'on obéit ou qu'on suit, mais c'est une révélation qui vient d'Allah. Et donc en suivant le messager, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une fois qu'on a compris ce statut-là, cette importance-là, eh bien, on comprend que Allah a ordonné de lui obéir et a interdit de lui désobéir. Lorsqu'il dit, dans le verset 33 dans Sourate Muhammad, ce qui signifie « Et obéissez à Allah et obéissez au messager. » Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit seulement d'obéir à Allah, mais il dit d'obéir à Allah et au messager. Il dit, يقول سبحانه وهو ينفي الإيمان عن من لا يحكمونه أو يرون في أنفسهم حرجا وغضاضة أو توقفا عن حكمه ولا يسلمون تسليما ولا يسلمون تسليما كاملا عن اقتناع وانشراح نفس يقول الله في حق هؤلاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il explique également et il dit que la foi est niée pour celui qui ne se réfère pas au messager comme juge. Celui qui ne prend pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme juge, dans les affaires de sa vie, dans tout ce qui a rapport avec sa vie, eh bien, yani, il n'est pas croyant, il n'a pas la foi. Ou bien, il trouve en lui-même une gêne par rapport à ce que le messager a jugé. Ou bien, il décide de s'abstenir ou de s'arrêter par rapport à son jugement, il ne veut pas se soumettre. Donc, s'il ne se soumet pas d'une soumission totale, avec conviction et avec une poitrine et une âme ouverte et épanouie devant ses ordres et ses jugements, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos-là, non par ton Seigneur. Donc, Allah jure par lui-même. Non par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pris comme juge dans tous les désaccords et les disputes qui peuvent se produire entre eux, et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne à propos de ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent complètement et entièrement. Et ça, c'est le verset 65 dans Sourate An-Nisa. Le cheikh, il dit ensuite, c'est ainsi que ce verset nous dévoile, yani, les choses qui appellent à croire en les messagers, ou les gens qui prétendent plutôt croire aux messagers sans le mettre en application et sans suivre sa sunna, que c'est une prétention qui est fausse. Tu ne peux pas dire je crois aux messagers mais je ne suis pas sa sunna, hein, je refuse de me soumettre à sa sunna, ou je crois aux messagers mais je ne suis pas satisfait de son jugement. Hein? Donc ça c'est une négation de la foi. Et donc ça c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que celui qui refuse de se soumettre à l'ordre du messager et à son jugement, c'est comme si pour montrer devant tout le monde, devant tous les hommes, que cette prétention elle est fausse, pour dire aux gens, regardez, si quelqu'un il est de cette façon, c'est-à-dire il dit qu'il a la foi, qu'il croit en Allah, puis quand c'est le temps de juger, il refuse le jugement du messager et il n'est pas satisfait de son jugement, eh bien, sa foi, il y a un problème. Pour que les gens ne soient pas trompés par rapport à cette attitude-là et pour ne pas qu'ils pensent que la foi en les messagers, c'est quelque chose qui se limite uniquement à quelque chose que tu prétends, hein, avec la langue, puis que ça s'arrête là. Tu dis juste avec ta langue et puis ça s'arrête là. Par la suite, tu n'es pas obligé de suivre et de te soumettre. Et il dit, le cheikh, qu'il y a d'autres versets qui viennent également menacer ces prétentieux, ces gens qui prétendent avoir la foi et qui contredisent le commandement du messager, et il les menace d'une fitna, c'est-à-dire d'une épreuve, hein, d'une tribulation et d'un châtiment douloureux. Et il dit à ce sujet, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est le verset 63 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui contredisent son commandement, son ordre, prennent garde qu'ils soient atteints ou touchés par une épreuve, par une fitna. Et les ulama ont dit ici, la fitna c'est le shirk, hein, donc qu'ils soient atteint par le fait de tomber dans le shirk, hein, ou bien qu'il soit touché par un dur châtiment ou un châtiment douloureux. Et le cheikh, il explique ici, il dit, وَقَدْ فَسَّرَ بَعْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ الْفِتْنَ هَذَا بِالزَّيْغِ وَالْإِلْحَادِ يعني لقاء رده لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكرر منه ذلك والله أعلم. Donc certains ulama, comme j'ai dit, ont dit que c'était le shirk, la fitna en question. D'autres ont dit que c'était la déviation et le fait de tomber dans le fait de déformer la vérité, de détourner la vérité de son sens. Et pourquoi? Parce qu'il a rejeté et refusé la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela s'est produit de sa part plusieurs fois, et donc à cause de ça Allah a fait dévier son cœur. Wallahu a'lam. Après le cheikh il dit, donc ça c'est plusieurs des méthodes du Coran qui appellent les hommes à comprendre l'importance de la foi en la sunna et de la mettre en application, et que la sunna avec le Coran, les deux ensemble forment la base, et sont la base réelle de cette religion. C'est pas le Coran seulement, c'est le Coran avec la sunna. Naam. Donc ça c'est très important. Et donc si la foi en les messagers font partie des fondements, parmi les fondements de la foi, eh bien la foi en la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam est une part indivisible de la foi en ce messager. Si la foi en les messagers est un fondement parmi les fondements de la foi, eh bien la foi en la sunna de ce messager fait partie, une partie indivisible, il y en a de la foi en lui. لِأَنَّهُ صَاحِبُ السُنَّةِ وَلِأَنَّ الْإِيمَانِ كَمَا يُعَرِّفُهُ الْإِيمَانِ ابن القيم هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به ظاهرا وباطنا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. Donc le cheikh dit, parce que c'est le messager, cette sunna c'est la sunna de ce messager là et donc la foi comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a défini, voici ce que ça comprend. L'imam Ibn al-Qayyim il a défini la foi, c'est une définition un peu plus détaillée ou élaborée de la foi et de tout ce que ça implique. Donc il dit que la réalité de la foi, c'est une réalité qui est composée de la connaissance de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi sans avoir la connaissance, puisque en quoi tu as la foi si tu n'as pas de connaissance? Tu as la foi en quoi? Il faut connaître. Donc la connaissance de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, et ça comprend également, après la connaissance il dit, donc la connaissance de ce qu'il a amené et le fait de croire en ça avec conviction et certitude, et de le confirmer et de le déclarer verbalement, de s'y soumettre avec amour et humilité, et de l'appliquer en apparence, c'est-à-dire extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire avec les actions du corps et les actions du cœur, et de le mettre en application, de l'exécuter cette fois, et d'appeler à celle-ci selon la capacité. Donc ça c'est un résumé de ce que c'est la foi, et c'est la définition, une définition qui est donnée par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève de Ibn Taymiyyah. Et on voit que cette définition de la foi qu'il donne, elle est supportée par les textes du Coran et de la Sunna, et elle s'inspire d'une compréhension profonde des textes du Coran et de la Sunna. Après le cheikh il dit, wa kamaluhu fil hubbi في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده معبوده والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. Donc il dit également que la perfection de la foi vient dans le fait de mettre en application l'amour pour Allah ou l'amour en Allah et la haine en Allah. C'est-à-dire que tu aimes pour Allah et pour ce qui amène son agrément et tu détestes en Allah. Dans le sens, tu détestes par rapport à qu'est-ce que Allah déteste. Et tu donnes uniquement pour Allah, dans ce qui amène l'agrément d'Allah. Et tu retiens de donner, tu te retiens de donner uniquement dans ce qui amène l'agrément d'Allah. Et que tu fasses en sorte que Allah soit yani, le seul que tu adores, que tu n'adores rien d'autre que lui, et que le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration, c'est uniquement en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas d'autre chemin que son chemin, que son exemple, que sa voie. Comme si en voulant dire, tu ne peux pas t'approcher d'Allah et adorer Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'exemple d'autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intérieurement et extérieurement, et ça c'est également en donc détournant ton cœur de tout ce qui yani, te détourne du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses qui peuvent te dévier, te faire dévier de son suivi. Et on va, le cheikh va donner des exemples de ça. Donc il dit wa ba'd fa anta tara. Donc toi tu vois que l'imam Ibn al-Qayyim, il a fait du fait de suivre uniquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon exclusive pour arriver à Allah, il a fait de ça un chemin vers la réalité de la foi. Et il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est une question et un sujet qui est totalement logique et clair et facile à comprendre. Parce que il donne un exemple pour te faire comprendre qu'est-ce qu'il a dit par rapport au fait que tu dois suivre uniquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour être vraiment sur la foi. Il donne l'exemple comme si par exemple quelqu'un qui dit, supposons que toi tu aimes un savant en particulier et que tu as beaucoup de respect pour ce savant, et il a une grande place, hein, un grand respect, hein, tu as un grand respect pour lui, il a une grande place dans ton cœur, dans le sens que tu le respectes beaucoup et tu l'aimes beaucoup. Et si par exemple tu dis que malgré que tu l'aimes et que tu le respectes, tu ne donnes aucune valeur à sa parole. Tu donnes aucune valeur à sa parole. Hein? Et tu ne donnes aucune préoccupation à sa parole non plus. Et quand il dit quelque chose, yani tu n'y portes pas ton oreille. Hein? Donc, c'est normal que quelqu'un te dirait, par exemple, comment ça se fait que tu prétends que tu aimes ce savant? Hein? Puis yani, tu dis que tu as beaucoup d'amour pour lui, puis que tu lui donnes aucune importance et que tu ne donnes aucune importance à sa parole. Donc il dit, tu donnes aucune importance à sa parole et à sa science. Donc il dit, donc ça c'est, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est logique? Donc il dit, ça c'est des questions rationnelles, des questions logiques. Donc il dit, je ne sais pas qu'est-ce que sera ta réponse, est-ce que vous pensez que ça ce serait possible? Donc il dit, alaykoum salam, il a dit, il y a deux possibilités dans la réponse de cette personne, qu'est-ce qu'elle va répondre. Il dit, premièrement yani, hal taqulu fil jawab inni fil waqi' la akun lahu mahabba, hein, ou la akinu lahu mahabbatan wa innama hiya mujarrad iddi'a لظهور ما لظروف ما ولا أعني بالمحبة أكثر من ذلك. Ça c'est la première réponse. Il dit, peut-être que dans ta réponse tu vas dire, en réalité je ne garde en moi-même aucun respect pour lui et aucun amour pour lui, c'est seulement une prétention, je prétends que je l'aime pour une raison quelconque, hein? Mais je ne veux pas dire plus que ça par cet amour là ou bien tu vas dire, إني أحبه وأقدره حقا ولكن الهوى والشيطان ولكن القرناء ولكن الجفاف الذي أصاب قلبي كل ذلك حال دون انتباه لكلامه والانتفاع بحديثه والتأسي له. ولا بد لك من أحد الجوابين، فأي ذين تقدم وتختار؟ فأحلاهما مر، والله المستعان. Donc le cheikh il dit, la deuxième réponse c'est que tu vas dire oui je l'aime, j'ai un grand respect pour lui, mais par contre à cause de la passion, à cause du shaitan, à cause des mauvais compagnons, hein, à cause de la dureté qui est rentrée dans mon cœur, hein, je donne pas d'importance à sa parole et je profite pas de qu'est-ce qu'il dit et je le prends pas comme exemple, comme modèle. Donc il dit, c'est, tu peux pas répondre par autre que une de ces deux réponses là, hein, soit que tu prétends mais en réalité tu n'as pas de respect pour lui, ou bien que tu le respectes mais tu te laisses suivre, tu suis tes passions et ton shaitan ou des mauvaises choses, y en a qui te font dévier de ce que y en a tu prétends, et selon te fait dévier de ce vrai respect là que tu devrais avoir pour lui. Et il dit, les deux réponses sont amères et sont mauvaises, hein. Donc si on revient maintenant à l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, on prend ce qu'on a dit par rapport au respect du savant, puis on le ramène maintenant avec l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunnah, qui, ça c'est quelque chose encore plus grand, encore plus grave, encore plus dangereux. Donc le cheikh il dit, wa nahnu innama arafna Allah wa amanna bihi wa abadnahu wahdahu bidawatihi allati balagatna في طيات سنته التي حملها إلينا الثقات من علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم الذين قيدهم الله لها وأكرمهم بخدمتها. Donc il dit, nous on a uniquement connu Allah et on a uniquement cru en lui et on l'a uniquement adoré par la da'wa qui nous a été transmise à travers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a été transmise, hein, par les ulama fiables de la umma parmi les musulmans depuis l'époque des sahaba et ceux qui les ont suivis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des hommes, hein, parmi ces grands savants là que Allah a choisi et qu'il a honoré pour servir cette sunna et la protéger et la défendre, hein, et l'a clarifié. Et donc c'est par cela qu'ils ont expliqué le Coran et qu'ils l'ont interprété à la lumière des règles de la charia dans le jugement, et ils ont établi des règles et des principes à suivre, et yani, c'est à ces principes là qu'ils reviennent chaque fois qu'il arrive quelque chose de nouveau ou une nouvelle situation qui ne s'est pas produite auparavant. Ils ramènent, hein, ces événements-là à ces règles et à ces principes pour expliquer aux musulmans quoi faire et comment réagir et comment sortir de ce problème-là. Donc ça c'est la grandeur de l'importance en question du sujet par rapport à qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet de la foi en le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui prétend croire en Allah et croire en son messager, puis ensuite il ose rejeter la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il rejette le fait que ce soit une preuve valable dans la charia, ou qu'elle peut nous profiter et nous donner une science certaine au sujet des questions de la foi et de la religion, eh bien cette personne-là, elle se contredit, hein, elle se contredit en réalité, parce que le fait de nier la sunna et de la rejeter, ou de rejeter que ce soit une preuve valable dans la charia ou des choses de ce genre, eh bien c'est comme si tu viens nier le fait que tu crois en Allah et en son messager, puisque tu contredis, hein, qu'est-ce que implique la foi. Donc il dit, on va lire la parole de Al-Hassan al-Basri. Il dit, laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Al-Hassan al-Basri, il dit une parole qui est très célèbre. Il dit que la foi, c'est pas quelque chose par qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce que tu prétends, hein, mais c'est qu'est-ce qui est fermement ancré dans le cœur et qui est confirmé par les œuvres et par les actions. Et il dit, donc, il n'y a pas d'action qu'on fait qui sera acceptée, excepté si elle est en accord avec la sunna. D'accord? Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, selon Aïcha, radiyallahu anha, qui dit, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, cette action-là sera rejetée. Hein? Peu importe la grandeur ou l'importance ou la quantité de cette action-là. Et donc c'est là que, au jour de la résurrection, les choses vont apparaître claires pour la personne qui rejetait la sunna. Et il mentionne donc un poème à ce sujet pour donner un exemple. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حماري. C'est-à-dire, une fois que la poussière va tomber, c'est là que tu vas réaliser sur quoi tu étais. Est-ce que c'était un cheval ou un âne, hein? En voulant dire, tu vas réaliser, est-ce que tu te tenais sur quelque chose de solide ou sur quelque chose, hein, qui a pas de valeur. Donc celui qui rejette la sunna, il ne se tient sur rien. Et donc après cette introduction, cette courte introduction, il dit on rentre dans le cœur du sujet maintenant. Manzilatu sunna. Al-manzila hi al-makana wal-martaba. Donc al-manzila, le titre du livre c'est Manzilatu sunna. Qu'est-ce que ça veut dire le mot manzila? Il dit c'est al-makana wal-martaba. Donc il traduit ou il explique le terme par des synonymes. Al-manzila, c'est la place ou le statut ou le degré de quelque chose. D'accord? Donc, al-manzila, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le cheikh, il dit al-martaba allati tushghiluha sunna an-nabawiyya fi bab at-tashri'. On veut parler en particulier du degré qu'occupe la sunna dans le domaine de la législation islamique. Il dit حيث لا يستغني عنها بوجه من الوجوه. لا يستغنى عنها بوجه من الوجوه إما مستقلة أو مبنية مبينة للكتاب إذ لا بد من عرض كثير من آيات الأحكام عليها لتفسر المجمل وتقيد المطلق وتخص العام إلى غير ذلك من الأغراض التي تحققها السنة والدور الذي تمثله إن صح. Donc le cheikh il dit, parce que on ne peut pas se passer de la sunna d'aucune façon, soit indépendamment, de façon indépendante, ou soit pour clarifier le Coran. C'est-à-dire que la sunna c'est une source de législation indépendante par elle-même. C'est-à-dire que même si tu n'as pas le Coran et que tu as une preuve de la sunna et des hadiths de la sunna sur un sujet, c'est suffisant pour établir un verdict et pour savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si tu as une preuve dans la sunna et même si c'est pas mentionné dans le Coran, eh bien c'est pas grave, c'est une source de la sharia qui vient au même degré que le Coran, puisque les deux, le Coran et la Sunna, viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une condition que pour qu'un verdict soit accepté dans l'islam, que ce verdict là soit révélé ou mentionné dans le texte du Coran. S'il est mentionné dans un hadith authentique, sahih, et que on n'en parle pas du tout dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala ne le mentionne pas du tout dans le Coran, yani, on peut prendre son verdict directement de la Sunna comme si c'était dans le Coran, parce que c'est une source de législation indépendante au même degré que le Coran. Parce qu'il y a certains musulmans, ils s'imaginent ou ils disent, ah mais ça c'est pas dans le Coran, donc c'est pas un verdict islamique ou ça fait pas partie de l'islam, alors que ça fait partie de la sunna authentique. Donc si ça fait partie de la sunna authentique, ça fait partie de l'islam, hein, comme si c'était dans le Coran. Ou bien parfois c'est mentionné dans le Coran, mais la sunna vient l'expliquer, le détailler et le clarifier. Parce que dans le Coran, parfois, dans les versets, c'est seulement le verdict ou le jugement ou l'aspect globale ou générale qui est mentionnée, sans détail. Donc la sunna vient expliquer, clarifier et interpréter qu'est-ce que Allah dit dans le Coran. Et donc ça clarifie qu'est-ce qui est général et ça vient restreindre qu'est-ce qui est yani, qu'est-ce qui n'est pas restreint et ça vient spécifier qu'est-ce qui est pas spécifique. Qui est. Donc c'est pour clarifier les choses pour que on ait un exemple pratique de comment mettre en application les choses et il y a des exemples qui vont être donnés plus détaillés par la suite à ce sujet-là. Maintenant, l'autre terme. Après, on a expliqué le terme manzila, le degré ou le statut. Maintenant, on va expliquer le terme sunnah. Qu'est-ce que ça signifie le mot sunnah? As-sunnah fi al-lugha hiya at-tariqa. Sawa kanat mahmuda aw sayyi'a. ويشهد لهذا المعنى حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومعنى الحديث أي من أتى بخصلة حسنة فله أجرها وأجر من تأسى به وعمل مثله عمل مثل عمله لأنه الفاتح لباب الخير الدال عليه بعمله وكذلك الحال بالنسبة للسيئة لأن من أتى بخصلة سيئة وتأسى به غيره فعليه وزرها ووزر كل من تأسى به بعده لأنه فاتح لباب الشر وداع إلى الشر بفعله ومبادرته. Donc, les ulama définissent, quand ils définissent les termes dans la charia, ils définissent toujours de deux façons. Sur le plan linguistique, c'est-à-dire la définition linguistique, et quand on parle de linguistique, ça veut dire, imaginons par exemple que le terme en question, il existe dans la langue arabe, et il était employé avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoive la révélation. C'est-à-dire que ce mot-là, il existe dans la langue arabe, et avant la révélation du Coran, et avant que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé comme messager, ce mot-là avait une signification pour les Arabes avant l'islam. Ça, c'est, on dit, c'est la définition linguistique du mot. Puis, on dit par la suite, la définition religieuse ou islamique ou terminologique dans la charia de l'islam de ce terme, qu'est-ce qu'il signifie? Ça, c'est les deux façons comment les ulama donnent la définition et l'explication des mots et des termes de la charia pour qu'on ait une compréhension plus claire de la signification. Donc le terme sunna dans la langue arabe, ça veut dire une voie, une façon d'agir, hein? Une voie, une façon d'agir, et ça peut être une voie qui est louable et qui est bonne, et ça peut être aussi le contraire, une voie qui est mauvaise et qui est blâmable. Donc sunna, ça veut pas, dans le sens linguistique, ça veut pas nécessairement dire quelque chose qui est bon. Ça peut vouloir dire quelque chose qui est bon ou mauvais. D'accord? Et la preuve de ça, c'est le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dans lequel on emploie le terme sunna dans son sens linguistique et non pas dans son sens islamique ou religieux, et c'est lorsqu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une bonne action, une sunna hasana, il aura sa récompense et il aura la récompense de ceux qui l'ont appliqué, hein, jusqu'au jour de la résurrection, et celui qui fait une mauvaise action, une sunna sayya, eh bien il aura son péché à porter. Et il aura apporté également le péché de tous ceux qui ont agi par rapport à son exemple dans cette mauvaise action jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh explique que ça veut dire que toute personne qui a une mauvaise caractéristique, il aura toute personne qui a une bonne caractéristique, il aura la récompense de ça. Et tous ceux qui se sont basés sur son comportement pour faire cette bonne action là, eh bien, il aura leur bonne action à eux aussi. Parce qu'il a été leur inspiration. C'est-à-dire, c'est lui qui leur a ouvert la porte de ce bien. Donc, puisque c'est lui qui leur a ouvert la porte de ce bien, il aura leur récompense aussi. C'est-à-dire, il aura sa récompense et la leur aussi, parce qu'il a été leur exemple. Et la même chose dans le mal, c'est la même chose. Si tu as montré aux autres une mauvaise action ou quelque chose de mauvais, tu auras apporté le péché de ça et le péché de tous ceux que tu as inspirés dans ce péché-là et dans le mal. Et tu vas être puni pour eux aussi, pour le mal qu'ils ont fait, parce que tu as été la source de cette mauvaise exemple-là pour eux, et ils t'ont suivi. Donc, c'est toi qui leur as ouvert la porte vers ce mal. Donc ça, c'est le terme sunna sur le plan linguistique. Maintenant, sur le plan, il dit « وَيَقُولُ أَهْلُ اللُّغَ السُنَّ السِّيرَ الْحَسَنَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً » Donc, ça peut être un bon exemple, un bon comportement ou un mauvais comportement sur le plan linguistique. Maintenant, sur le plan de la législation, le mot sunna, qu'est-ce que ça signifie dans l'islam? Cheikh il dit يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةُ في معنى السنة اختلافا لفظيا لا جوهريا. C'est-à-dire que les ulama de la charia, ils divergent dans la signification du mot sunna. Mais la divergence qu'ils ont, c'est une divergence dans l'expression et non pas dans le cœur de la définition ou de la signification et dans son essence. Donc il dit فيطلق علماء الأصول لفظ السنة على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وربما أطلقوها على أعمال الصحابة كعمل أبي بكر وعمر وعثمان ويعني في جمع القرآن وعمل عمر رضي الله عنه في تدوين الدواوين ونحو ذلك وهذا مذهب جماعة من أهل الحديث. En fait, qu'est-ce que le cheikh explique ici, c'est que les ulama de la charia ont défini le terme sunna selon leur domaine dans lequel ils sont spécialisés. Les ulama de Usul, ils définissent la sunna comme étant les paroles, les actions du messager sallallahu alayhi wa sallam et les choses qu'il a approuvées par son silence. Et même parfois ils vont appliquer le terme sunna aux exemples et aux actions des sahaba, radiallahu anhum, comme les exemples de Abu Bakr, Omar, Uthman, radiallahu anhum, ou Ali, donc al-Khulafa al-Rashidin, radiallahu anhum. Et il dit wa yutlaqu al-fuqaha as-sunna 'ala at-tariqah al-masluqah fi ad-din ghayr wujub min fi ghayr wujub aw luzum. Une autre définition que les ulama donnent du mot sunna, c'est en particulier chez les ulama de fiqh, les fuqaha. Eux, quand ils utilisent le terme sunna, ils l'emploient pour désigner ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire ce qui est recommandé dans l'islam. Et c'est là que vient la confusion de beaucoup de musulmans par rapport au terme sunna. Quand tu leur dis ya akhi, ça c'est sunna, ils disent ah mais si c'est sunna, donc ça veut dire que c'est pas obligatoire, alors qu'en réalité c'est pas ça que ça veut dire. Ça c'est une définition du terme sunna pour les fuqaha. Ils l'utilisent dans le sens de qu'est-ce qui est mandoub, c'est-à-dire recommandé de faire mais pas obligatoire, alors qu'en réalité ça c'est une définition qui est restrictive. C'est pas le sens général du terme sunna, et c'est pour ça qu'il faut pas se mélanger entre les définitions, entre la définition des fuqaha et la définition des muhaddithin et la définition des usuliyin. D'accord? Sinon, après, tu dis à quelqu'un, ya akhi, la barbe, ça fait partie de la sunna. Et on dit, oui, mais dans ce cas-là, c'est pas obligatoire. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, donc ça fait partie de qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est obligatoire, même si c'est sunna. Parce qu'on dit pas le terme sunna ici dans le sens des fuqaha, que c'est recommandé, mais dans le sens que ça fait partie de la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna? C'est comme ce que Allah a ordonné. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans la sunna, c'est comme ce que Allah a interdit. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper, parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils ont une erreur dans cette question-là. Ils ne comprennent pas comme il faut cette chose-là. Après, le cheikh dit « Wa min ibaratihim al-ma'rufa fi ta'rif al-sunna, inna al-sunna ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. » Une autre définition qu'on trouve aussi chez les fuqaha, quand ils définissent le sens du mot sunna pour eux, quand ils disent que c'est qu'est-ce qui est recommandé, ils disent c'est qu'est-ce que celui qui le fait sera récompensé, l'action que celui, si tu l'as fait, tu seras récompensé, si tu l'as fait pas, tu seras pas puni. Ça, c'est la définition de qu'est-ce qui est sunna pour les fuqaha. D'accord? C'est ça. Ça c'est la définition des fuqaha. Quand ils disent qu'est-ce qui est sunna pour eux, ça veut dire qu'est-ce qui est mandoub, c'est-à-dire qu'est-ce qui est recommandé. Mais c'est une définition qui est utilisée par les fuqaha en particulier, mais c'est pas le sens général de qu'est-ce qu'on dit quand on parle de la sunna qui, comme étant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a suivi. Hein, et son exemple et l'exemple des sahaba aussi. Donc le cheikh il va expliquer ensuite, il dit wa yutlaqu yani ulama al hadith wa sunna yatlaquna lafz al sunna ala ma yuqabil al bid'ah fa yuqal fulan ala al sunna wa idha kana amaluhu wa tasarrufatihi ad-diniyya وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال فلان على بدعة وإذا كان مخالفا لهديه وسنته. يعني donc le cheikh il dit que la majorité des ulama de hadith et de la sunna, quand ils utilisent le terme sunna, ils l'utilisent pour dire ce qui oppose la bid'a. Donc ils vont dire fulan, c'est-à-dire un tel est sur la sunna, en voulant dire il n'est pas sur la bid'a, il oppose la bid'a, d'accord, parce que son comportement et ses actions dans la religion sont en accord avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et ils disent par exemple un tel est sur la bid'a, ça veut dire il contredit yani la guidance et la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit dans la croyance, soit dans les paroles, soit dans les actions, hein, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, quelqu'un qui par exemple, peut-être que tu vas voir, et des fois les gens mélangent cette explication de la sunna par rapport à qu'est-ce qui oppose la bid'a, ils la mélangent avec la définition des fuqaha, les deux. Donc tu vas dire à quelqu'un un tel est sur un tel est pas sur la sunna, et pourtant tu le vois avec la barbe, avec le qamis, hein, avec des apparences de choses qui sont, leurs pantalons par exemple sont en haut de la cheville, les femmes portent le hijab, elles vont même porter parfois les gants, le niqab et tout, et tu dis elle est pas sur la sunna. Alors les gens disent comment ça, et surtout quand tu dis par exemple Jama'at al-Tablir, ils sont pas sur la sunna, tu dis mais comment ça Jama'at al-Tablir sont pas sur la sunna, alors que en apparence ils ont l'air d'être tous habillés puis d'avoir une apparence de porter la barbe, le chapeau, toutes sortes de choses que les gens pensent que hein, c'est ça la sunna, et pourtant on dit qu'ils sont pas sur la sunna. Pourquoi? Parce que leur voix est une voix de bid'ah. Donc tu peux suivre des éléments de la sunna sans nécessairement être sur la sunna. Parce que si dans ta aqidah, tu es sur la aqidah des, par exemple des Diobandiyah, ou des Soufiyah, ou des Asha'irah, donc dans ce cas-là, tu peux bien avoir l'apparence que tu veux, mais tu n'es pas sur la aqidah des Salaf, la aqidah Salafiyah, tu n'es pas sur la aqidah de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, tu ne peux pas être Sunni, tu ne peux pas être sur la Sunna, même si tu as une apparence hein, qui montre que tu suis des aspects de la Sunna. Donc il ne faut pas mélanger entre des éléments de la sunna et de suivre la sunna. Regardez les khawarij qui étaient même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier d'entre eux qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dhul Khawaisira, hein, est venu, et dans le hadith il y a même une description physique de Dhul Khawaisira. Il dit dans le hadith, on décrit l'homme comme étant quelqu'un qui avait une barbe fournie, un front proéminent, une marque de prosternation profonde, et un crâne rasé, hein, des yeux creux, des signes d'une personne qui est très pieuse en apparence, qui a des signes d'attachement à la religion, et on dirait aujourd'hui, ah lui, il est sur la sunna si on le verrait. Pourtant, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, puis lui a dit, ya Mohammed, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Hein, il accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'injustice parce qu'il n'a pas distribué le butin de la façon que lui voulait ou de la façon que lui considérait comme étant la façon juste. Subhanallah. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On a mentionné par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de cet homme va sortir des gens, hein, vous allez mépriser votre prière à côté de, de leur prière, vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne, vous allez mépriser votre récitation du Coran à côté de leur récitation. C'est-à-dire, ils sont plus adorateurs que vous, hein, en voulant dire les sahaba. Ils vont faire plus d'adoration que vous, les sahaba. Et malgré tout, ils récitent le Coran et ça ne dépasse pas, ça ne va pas plus bas que la clavicule. C'est-à-dire, ils ne vont pas réciter le Coran avec compréhension, avec connaissance. Donc, avoir l'aspect de la sunna, ça ne veut pas dire qu'on est sur la sunna. Ça ne veut pas dire qu'on est sur la sunna. On peut être mubtadi' et avoir une apparence sunni. On peut être un khariji, on peut être soufi, on peut être tabliri, on peut être ikhwani. Avoir une apparence d'être sur la sunna. Regardez Ben Laden, regardez Az-Zawahiri, regardez les Dawa'ish. Hein, regardez tous ces groupes de takfirin qui ont en apparence une barbe et portent des vêtements qui sont en apparence des vêtements islamiques, et pourtant ils contredisent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils suivent la sunna de Zul-Khuwaysira et de ceux qui l'ont suivi, hein. Abdullah ibn Abbas, quand il a parlé des Khawarij, il a dit, yani, ils ne sont pas plus adorateurs que les juifs et les chrétiens et ils sont sur l'égarement. Regardez les juifs et les chrétiens, surtout les moines et les religieuses dans les monastères. Est-ce qu'ils font pas beaucoup d'adoration, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de, hein, d'actes religieux, hein? Ils font beaucoup d'actes religieux, des actions, des choses de religion. Mais pourtant, ils sont dans l'égarement. Donc la quantité, c'est pas ça qui est important. Si t'es pas sur la vérité, si t'es pas sur la sunna. D'accord? Donc, être salafi, être sur la sunna, c'est pas uniquement de respecter certains éléments d'apparence ou d'extérieur qui ont rapport avec la sunna, mais c'est de suivre la voie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon générale dans sa croyance, dans sa méthodologie, dans la compréhension de l'islam et des textes et des principes de la religion. Hein? C'est ça qui est important à comprendre. Sinon, c'est possible qu'un musulman soit un pécheur, qu'il fasse certains péchés. Par exemple, un musulman qui rase sa barbe, mais il est contre les bid'ahs et il s'accroche à sa religion le plus qu'il peut, sauf qu'il a certains péchés. Il est quand même sur la sunna. Tu vas dire que c'est quelqu'un qui est sur la sunna. C'est un sunni, mais il est pécheur. C'est pas un khariji, c'est pas un tabliri, c'est pas un ikhwani, c'est pas un soufi, c'est pas un... Il se désavoue de toutes les sectes et de tous les groupes de bid'ah. Et il dit, moi je suis seulement le Coran et la sunna et la voie des salafs. Sauf qu'il a des faiblesses dans sa foi, dans sa religion des fois, et donc il va faire des péchés. C'est quand même quelqu'un qui est sur la sunna, même si, hein, il a des péchés. Dans ce sens-là qu'on dit être sur la sunna. Aïnaam. Donc ça c'est très important. Et il dit, ومن إطلاقات السنة عندهم أيضا أنها قد تشتمل قد تشمل صفات صفات صفاته الحميدة وأخلاقه الكريمة وسيرته العطرة ويمكن أن يشهد لهم على هذا الإطلاق قول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. Donc le cheikh il dit également que certains parmi les ulama ont ajouté à la sunna également le fait que ça comprend les caractéristiques du comportement et yani de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa biographie et de ses bons exemples et de son comportement, comme qu'est-ce que Khadija radiallahu anha a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Allah il ne va pas t'humilier car tu gardes les liens de parenté et tu es bon envers tes invités et tu aides ceux qui sont dépourvus et ainsi de suite. Donc elle a mentionné de ses qualités et donc certains ulama font rentrer ça aussi dans qu'est-ce qui est sunnah. Et aussi des fois, bon, le cheikh il ne le mentionne pas ici, mais ça c'est un élément aussi par lesquels les ulama, dans l'utilisation des ulama quand ils parlent de la sunna, ça désigne aussi la aqida. La aqida. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup des livres, des imams, des salafs qui ont écrit des livres qui s'appellent as-sunna. Et quand tu regardes dedans, c'est la aqida. qui est mentionné dedans, c'est l'aqida des salafs. Le livre As-Sunnah de l'imam Ahmad, le livre As-Sunnah de son fils, de l'imam, le livre de Sharh As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari, le livre As-Sunnah de Ibn Abi Asim Al-Asbahani, et beaucoup d'autres. Donc quand ils disent le mot sunna ici, c'est dans le sens de la croyance et des fondements de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il dit que de même que il dit wa kadhalika ma kana alayhi salatu wa salam ma'rufan bihi bayna qawmihi hatta qabla mab'athihi min as-sidq wal amana li'anna kullu dhalika yustafadu minhu fi ithbati nubuwwatihi alayhi salatu wa salam wa risalatihi wa hiya muradifatun lil hadith kama tara bihadha al-i'tibar. Naam, donc il y a aussi des ulama qui font entrer dans ça aussi tout ce qui est par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu parmi son peuple, c'est-à-dire qu'avant d'être un messager, il avait des caractéristiques connues chez son peuple, d'être un homme véridique, un homme honnête, un homme fiable, et on utilise ça pour affirmer et confirmer sa prophétie par la suite. Donc certains ulama considèrent ça aussi. Tout ça pour dire que de façon générale, le terme sunna, il peut avoir différentes significations selon la différente catégorie de science et différents ulama, mais que de façon générale, dans l'utilisation des ulama, quand ils disent sunna, ça comprend tout ce qu'il a ramené, toute sa voie. C'est l'islam en entier. Il dit wahajatul al-insan ila al-rasul wa al-risala, c'est-à-dire le besoin de l'humanité ou de l'homme des messagers, le besoin qu'on a d'avoir des messagers et d'avoir une révélation. Et le cheikh, il dit que l'homme est une créature qui est créée et elle est yani, entourée de désirs et de passions. Et yani, parfois, elle se laisse pencher vers ses désirs et vers ses passions. Et c'est comme parfois, un exemple, le cheikh il donne, il dit c'est comme le malade. Il ne trouve pas un moyen de se libérer de sa maladie. Et d'être guéri de cette maladie-là, excepté s'il n'a pas trouvé un bon médecin. Qui connaît les symptômes et qui connaît les bons remèdes et qui va lui prescrire la bonne médication. Naam. Donc, s'il demande à ce médecin-là, eh bien, et qu'il se détourne de qu'est-ce que son âme lui suggère comme tentation, et qu'il s'abstient de suivre ses passions et ses désirs, et de suivre les plaisirs de son âme, il va être sauvé de la perdition. Sinon, c'est sûr qu'il va tomber dans qu'est-ce qui va le faire périr. Et donc, c'est quelque chose qui nous donne un peu l'exemple de à quel point on a besoin des messagers. On a autant besoin du messager, ou même plus encore besoin du messager, qu'on peut avoir besoin des médecins lorsqu'on est malade. Et donc on peut comprendre cette comparaison-là et cet exemple-là très clairement, et ça c'est très loin de toute philosophie qu'on pourrait ramener. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, quand ils parlent de la prophétie et du besoin de la prophétie, ils rentrent dans plein de sortes de différentes explications philosophiques. Et en ça, c'est très clair, cet exemple que le cheikh il donne, et c'est très simple à comprendre. Il dit « وَذَلِكَ أَنَّ غَيَةَ مَا يُصِيبُ الْإِنسَانِ إِنْ أَعْرَضَ عَنِ الطَّبِيبِ أَنْ تَعْتَرِيهِ الْأَسْقَامِ فِي بَدَنِهِ » Donc, si la personne se détourne du médecin, elle risque d'être de périr et de la maladie risque de prendre le dessus sur son corps. Et si tu te détournes du messager et du message, eh bien, ton cœur va pas être revivifié par la vie de la révélation divine, le Coran et la Sunna. Et donc, tu vas être assujetti à toutes sortes de maladies de ton âme, maladies de dans ta croyance, dans ta vie, dans ta religion, dans ta foi. Et donc ton cœur va mourir. c'est ça l'importance en fait de la révélation. C'est comme un remède spirituel, hein? Et ton cœur risque de mourir et de ne plus pouvoir même espérer revivre s'il est écarté de la révélation. Et regardez les hommes qui vivent sans justement foi, sans révélation, comment ils vont dans leur vie. Et observez comment ils vivent de façon générale, surtout dans tous les aspects de la société, que ce soit sur le plan politique ou économique ou social ou dans leur manière, dans leurs mœurs. Regardez, observez leur comportement, regardez comment se comportent ou comment dans quel état se trouve leur société, et vous constatez tous les problèmes, les maladies, les troubles sociaux, le désordre, le chaos. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien qui unit les hommes, chacun fait à sa façon, chacun suit sa passion. Il n'y a rien qui est en harmonie dans ces sociétés-là. Et chaque morceau, chaque partie se déchire. Donc, Allah al-Musta'an, la révélation, c'est ce qui ramène, yani ce remède pour le cœur. Et en même temps, qui ramène le bonheur dans la vie et qui ramène la lumière de la révélation par laquelle on peut être illuminé. Et ensuite, le cheikh, il explique que la sunna, c'est qu'est-ce qui vient à égalité avec le Coran. Il dit يتضح مما تقدم ان ملخص معنى السنه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وان السنه من الوحي الالهي الا ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى كما يدل على ذلك من السنه قوله عليه الصلاه والسلام الا اني اوتيت القران ومثله معه الا اني اوتيت القران ومثله معه فالسنة إذن سن القرآن وهي وحي مثله وملازمة له ولا تكاد تفارقه ولا يكاد القرآن يفهم كما يجب أن يفهم إلا بالرجوع إلى السنة في كثير من آياته ولا سيما آية الأحكام. Donc le cheikh il dit, de tout ce qu'on a mentionné à propos des définitions du Coran, de la sunna tout à l'heure, on peut dire en résumé que la définition de la sunna, c'est tout ce qui a été attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action et comme décision ou approbation. Que ça, tout ça, c'est ça la sunna. Et que la sunna est une révélation divine, comme le Coran. Allah, il dit, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée, et c'est Shadidul Quwa, le dur. Et le fort, le dur dans sa force, c'est lui qui lui a enseigné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surat al-Najm, on trouve ces versets. Il dit, c'est aussi indiqué dans la sunna, puisqu'il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa musnad, qui est un hadith qui est rapporté selon al-Miqdam ibn Ma'di Yakrub, radiyallahu anhu, et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', hadith 2643. Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, j'ai reçu le Coran et quelque chose de pareil avec. Certes, j'ai reçu le Coran et quelque chose de pareil avec, c'est-à-dire la sunnah. Donc, il y a même des narrations qui mentionnent que Jibril, il descendait avec le Coran, comme il descendait avec la Sunna. Donc, la Sunna fait partie de la révélation. Et c'est à égalité avec le Coran, puisque comme le Coran, la Sunna est une révélation. C'est pas comme certains qui pensent que la Sunna est moins importante que le Coran. Non. Et même dans la Sunna, il y a des ahadith qui sont des ahadith qudsi, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne. Donc il y a dans les hadiths aussi la parole d'Allah, sauf que ça ne fait pas partie du Coran, d'accord. Et le cheikh explique donc que tu ne peux pas séparer la sunna et le Coran. Et il dit que dans plusieurs versets, même tu ne peux pas comprendre ces versets-là sans revenir à la sunna. Hein? Sans revenir à la sunna. Dans plusieurs versets. Et dans plusieurs, en particulier celles des règles de la charia. Le cheikh explique maintenant la définition de la révélation. Qu'est-ce que signifie le mot wahyun? Al-wahyu. En arabe, le mot pour désigner la révélation, c'est al-wahyu. Ok? Ou bien, quand on le dit de façon indéfinie, c'est wahyun. Ok? Et il dit le cheikh, huwa al-i'lam al-khafi wa-sari'. C'est-à-dire, c'est le fait de recevoir une information qui est rapide et qui est yani secrète, ou bien plutôt de façon qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est khafi, hein, qui est caché et qui est rapide. Il dit, وَلِذَلِكَ يَطْلُقُونَ عَلَى الرُّمُوزِ وَالْإِشَارَاتِ الْخَفِيَّةِ أَنَّهَا مِنَ الْوَحْيِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَمِنْهُ الْإِلْهَامِ. Comme l'inspiration aussi. Et les symboles et les indications, c'est par les gens de la langue, ils désignent ces choses-là comme étant des révélations aussi. Aussi le terme ilham, qui veut dire l'inspiration. Il dit wa huwa ilqa'ul ma'ani al-khassa fi an-nafs. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de faire rentrer dans l'âme des significations particulière et spécifique. On désigne ça comme étant des inspirations. وَالْوَحْيُ إِلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. Donc la révélation à autre qu'au prophète rentre dans ce domaine, c'est-à-dire de l'inspiration. Quelqu'un peut être inspiré parfois à recevoir certaines idées ou certaines définitions ou certaines compréhensions dans l'âme. Hein, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle des inspirations, et ça peut être donné même à des gens qui ne sont pas des prophètes, mais c'est pas la révélation, d'accord? Il y a une différence entre les deux. Et il dit comme l'exemple de al-wahyu ila an-nahli, al-wahyu ila an-nahli. Il dit wa awha rabbuka ila an-nahli. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que il a inspiré à l'abeille. Hein? Donc le verset 68 dans sourate An-Nahl, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala inspire l'abeille, hein, et lui indique, hein, comment gérer les choses et comment faire, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est pour dire que même les animaux, hein, dans leur instinct et les choses qu'ils font de façon instinctive, Allah leur inspire et les guide. Amma fi lisan al-shar' i'lamu Allah لأنبيائه بطرق خفية أخبار السماء وما يريد أن يبلغه من التعليمات والتوجيهات والتشريع بحيث يحصل لديهم علم قطعي لا يتطرق إليه أدنى شك بأن ذلك من عند الله سبحانه فيكون مصدر الوحي هو الله وحده فلا وحي إلا من الله ومورود الوحي هم الأنبياء فلا يكون الوحي إلا فلا يكون الوحي إليه إلا نبيا الموحى إليه لا يكون إلا نبيا وهكذا يتضح أن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي كما ترى. Donc qu'est-ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant de la définition de الوحي? C'est une définition linguistique. La définition de la religion, du terme révélation, c'est quoi? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala informe ses prophètes, ces messagers, par des méthodes secrètes ou bien subtiles, les informations du ciel, les informations d'Allah. Et qu'est-ce qu'il veut que ces messagers, que ces prophètes transmettent comme enseignement et orientation et législation, de façon à ce qu'ils aient une science certaine au sujet de laquelle il ne peut y avoir aucun doute, ou au sujet desquels il n'y a aucun doute que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est quelque chose, hein, la révélation, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui seul. Et donc la révélation ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui reçoit la révélation, ou ceux qui reçoivent la révélation, ce sont les prophètes, Ce sont les prophètes. Et donc, c'est seulement un prophète qui reçoit une révélation et personne d'autre. D'accord? Et donc, il faut bien comprendre ça. Des fois, tu vois, par exemple, parmi les soufis, dans les différentes turuq, il y en a des shuyukh qui disent qu'ils reçoivent des paroles d'Allah, ou qu'ils reçoivent, que Allah leur parle, et leur révèle certaines informations, ou que des anges même viennent leur parler, et viennent leur révéler des choses. Ou parfois, certains vont même dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur apparaît en personne, c'est-à-dire pas en rêve, pas en songe, mais en réalité. Comme Ahmed Tijan par exemple, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient le voir en éveil et qu'il lui parle et qu'il lui dit des choses, des révélations qu'il n'a pas mentionnées ni dans la sunna et que les sahaba ne connaissaient pas. C'est juste à lui seulement que ça a été donné. Ça c'est des exemples d'hérésie et d'égarement et de kufr, que tu entends de la bouche des soufis, et même que certains vont jusqu'à dire que leurs shuyukh et leurs awliya volent jusqu'en haut des septièmes cieux et vont même voir dans la table préservée où Allah a écrit la destinée pour savoir qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc, ces gens-là, après, tu leur dis, oui, mais dans ce cas-là, vous croyez que vos shuyukh sont des prophètes. Ils disent, non, ça, c'est pas des prophètes. C'est juste des saints, c'est des awliya. Allez, c'est quoi la différence entre un wali et un nabi si les deux, ils ont la connaissance de qu'est-ce qui vient d'Allah et qu'ils reçoivent des révélations. Et que les anges leur parlent, Allah leur parle, les anges leur parlent et ils connaissent le raid. Même que ça, c'est même parfois c'est des choses plus graves que de dire même, parce que même le prophète il n'a pas la connaissance de toutes ces choses là la connaissance de Allah al-Mahfouz, c'est ça, seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. La table préservée, personne ne le connaît excepté Allah. Donc de dire que leur cheikh il va voir qu'est-ce qui est écrit dedans, c'est de leur donner une connaissance qui dépasse même la connaissance des prophètes. Et ça, c'est de leur attribuer même une connaissance du rêve. Et ça, c'est shirk billah. Il n'y a pas de doute. Donc, ces gens-là, ils ne disent pas qu'ils croient en un autre prophète, mais sauf qu'ils donnent à leur awliya, à leur soi-disant shuyukh, des caractéristiques des prophètes. Et parfois même, ils disent que les awliya sont plus élevés que les anbiya, plus élevés que les prophètes. Ça, c'est un autre exemple d'égarement. Cheikh, il dit ensuite que, donc, la définition de la révélation dans la charia, elle est plus particulière et plus spécifique que la définition linguistique, comme on peut le voir. Aqsam al-wahi, quelles sont les catégories de révélation? Le cheikh explique, il dit I'lamu Allah li anbiya'ihi ma yuridu i'lamahum yakunu bi turuqin thalatha. قد أشار القرآن إلى هذه الطرق حيث يقول عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. C'est le verset 51 dans surat Ash-Shura. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en premier le cheikh il explique que l'information que Allah donne à ses prophètes quand il veut leur donner une information, c'est de trois façons. C'est de trois façons qui sont indiquées dans le Coran, dans le verset, dans Surat Ash-Shura, le verset 51, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas à un homme excepté par wahyun, n'est par révélation, ou min wara'i hijab, c'est-à-dire ou par derrière un rideau, ou yursila rasulan, ou bien en lui envoyant un messager, fayuhya bi iznihi ma yasha, et il lui révèle par sa permission ce qu'il veut. Donc il dit, donc il explique chaque catégorie. Il dit أولاً المراد بقوله إلا وحياً الإعلام الذي هو الإلهام وهو إلقاء المعنى المراد في قلب نبي من أنبيائه حتى يفهمه جيداً ويقطع بأنه من عند الله. Donc premièrement la révélation, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala inspire ses prophètes et leur met dans leur cœur des significations de ce qu'il veut à un prophète parmi ses prophètes, jusqu'à ce qu'ils le comprennent comme il faut et qu'ils soient certains que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première façon que Allah s'adresse aux messagers, aux prophètes. Deuxièmement, thaniyan al-kalamu min wara'i hijab, كلاما حقيقيا يقطع بأنه سمع كلام ربه الذي كلمه كيف شاء دون أن يراه، كما حصل لنبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام في أول بدء الوحي، حيث نودي يا موسى إني أنا ربك، حتى سمع سماعا حقيقيا ولكن دون رؤية. وكذلك عند مجيئه للميقات، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذا حصل هذا النوع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، عندما فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، والقصة معروفة لا حاجة لسردها. Donc le cheikh il dit deuxièmement que Allah parle derrière un voile à ses prophètes et il leur adresse la parole réellement. Et jusqu'à ce qu'il soit certain que c'est la que ce prophète a entendu, jusqu'à ce que le prophète soit certain qu'il a entendu la parole de son Seigneur qui lui a parlé comme il veut, sans qu'il le voie. Et ça, c'est arrivé au prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit au début de la révélation, dans le verset 11 et 12 dans Surat Taha. Et on a appelé « Oh Moussa, certes je suis ton Seigneur. » Moussa s'est adressé à lui réellement. Et il l'a entendu réellement, mais sans le voir. Et lorsqu'il est venu à sa rencontre, dans le verset 143, dans Surat Al-A'raf, il mentionne ce qui signifie « Et lorsque Moussa vient à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla. » وكلم الله موسى تكليما. Donc Allah s'est adressé à Moussa, une réelle parole, une vraie parole, parole réelle. Il lui a adressé la parole réellement. Et une partie de ça s'est produit également pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la nuit de l'ascension, lorsqu'il est monté au dernier des cieux et qu'il s'est approché d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'arbre Sidrat al-Muntaha, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressé la parole. Et il a parlé avec Allah et Allah lui a ordonné les prières. Et on connaît l'histoire qu'au début c'était 50 prières, puis qu'après Allah les a diminuées à 5, et il a dit elles sont 5 en nombre et 50 en récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à son prophète derrière un voile de lumière. Au-dessus des sept cieux. Au-dessus des sept cieux. Et il dit, troisièmement, أو يرسل رسولا. Où il envoie un messager. ثالثاً إعلام الله لنبيه من أنبيائه ما يريد تبليغه بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع هو الغالب والأكثر وقوعاً. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال وصور مختلفة إذ كان يأتيه أحيانا متمثلا بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، وربما جاء بصورة أعرابي، وقد رآه مرتين على صورته الحقيقية، مرة عند غار حراء حيث يتحنث قبل الوحي، ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج. وقد لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملك أحيانا، وإنما يسمع عند قدومه دويا كدوي النحل وصلصلة شديدة فتعتريه حالة روحية غير عادية. Donc le cheikh explique que la troisième façon dont Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses messagers et qu'il leur révèle la révélation, c'est par yani l'intermédiaire d'un messager, c'est-à-dire Jibril, un ange, qu'il envoie à ses messagers pour leur faire connaître la révélation. Et ça, c'est le plus connu. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Et Jibril, alayhi salam, il venait au prophète Mohammed, sallallahu alayhi salam, sous différentes apparences. Il venait parfois dans l'apparence de Jibril, de Dahiyat al-Kalbi, un compagnon. Parfois il venait avec l'apparence d'un bédouin, vous connaissez le hadith de Jibril, Donc il venait en apparence des fois d'un voyageur ou autre. Donc ça c'est pour dire qu'il prenait des apparences humaines. Et il l'a vu deux fois dans sa vraie apparence réelle d'ange. Hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril deux fois dans sa réelle apparence d'ange. Et une fois c'était dans la caverne de Hira. Et une autre fois c'était la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj. Hein? Donc il a dit même à son sujet à propos de Jibril qu'il a 600 ailes. Et qu'avec un de ces 600 ailes, il couvre l'horizon. Hein, Yasud al-Ufuq. Donc il est immense, Jibril alayhi salam, dans son apparence réelle. Et il dit parfois, il ne le voit pas, mais il entend comme un son de cloche ou un sifflement, comme un bourdonnement d'abeilles. Et ça, c'est une autre façon comment il reçoit la révélation, comme c'est mentionné dans le hadith. Et le cheikh, il mentionne le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari par Aïcha, ou selon Aïcha radiallahu anha. Il dit أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. اي نعم. Donc c'est un hadith qui dit que يعني il y a un sahabi qui s'appelait Al-Harith ibn Hisham. Il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, comment est-ce que la révélation te vient? Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parfois ça me vient comme le son, le tintement d'une cloche. Et c'est là que c'est le plus difficile pour moi. Et lorsque cela s'arrête, je comprends ce qui m'a été dit. Hein, j'ai compris ce qui m'a été dit. Ou parfois, un ange me vient en forme humaine et il me parle et je comprends ce qu'il dit. Alors Aïcha radiallahu anha, elle dit, et je l'ai vu lorsque la révélation descendait sur lui en un jour de froid intense, et quand la révélation était complétée et que c'était terminé, eh bien on voyait le ruissellement de la sueur sur son front. Yani, c'est pour dire que dans un jour de froid, et lui il transpire, au moment de la révélation, c'est pour montrer à quel point c'était lourd pour lui quand il recevait la révélation. Donc on a presque terminé, Inch'Allah, encore un petit 10 minutes, Inch'Allah, puis on s'arrête. Le Cheikh il dit, وَمِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ إِثْنَانِ دارسان للإسلام أن ديننا مبني على أصلين اثنين. Donc il dit le cheikh, notre religion de l'islam est basée sur deux choses, deux fondements. Il dit il y a pas deux étudiants de l'islam qui divergent là-dessus. Il dit الأصل الأول أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غيره بجميع أنواع العبادات وأن لا يصرف منها شيء لغير الله. وذلك معنى قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Donc le premier fondement, c'est que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré, lui seul, et il n'a aucun partenaire ou associé dans quoi que ce soit des différentes formes d'adoration. Et on n'a pas le droit d'offrir aucune des différentes formes d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la signification lorsque le croyant dit « Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, sans aucun partenaire, hein, aucun associé. » Et le deuxième fondement, « أن يعبد الله بما شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام وهو معنى قول المؤمن أشهد أن محمدا رسول الله. » Et le deuxième pilier, ou le deuxième fondement plutôt, c'est que Allah doit uniquement être adoré parce qu'il a légiféré par la langue de son messager, Mohammed, et ça s'est exprimé par la signification de la parole du croyant lorsqu'il dit « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah ». وصحة الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل الثاني ومعنى تحقيقه نجزه في صدق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه دليل محبة الله عز وجل وهذا محبة والذي محبته ومراقبته والأنس به غاية سعي العبد وكده وهي أيضا جابلة لمحبة الرب عبده ومغفرته له إذ يقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc la validité du premier fondement s'arrête à la réalisation du deuxième, c'est-à-dire que si tu veux, pour, premièrement, la réalisation du deuxième, c'est quoi? C'est de suivre avec sincérité et de façon véridique l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que de suivre le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une preuve de l'amour d'Allah. C'est une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le, yani, l'objectif d'obtenir l'amour d'Allah et d'aimer Allah, c'est l'objectif de tout croyant. Hein? Pour obtenir son amour et son pardon. Allah, il dit dans le Coran ce qui signifie, dit au Mohammed, si vous aimez Allah réellement, alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il dit, et cela parce que son messager qu'Allah a choisi pour transmettre sa religion, c'est hein, celui qui a légiféré pour ses serviteurs. Hein. C'est lui qui transmet son commandement et ses interdictions, et ce qu'il a rendu halal et ce qu'il a rendu haram. Ce qui est halal, c'est ce qu'il a rendu halal, c'est ce qu'il a déclaré comme étant halal, et ce qui est haram, c'est ce qu'il a déclaré comme étant haram. Et la religion, c'est ce qu'il a légiféré et ce qu'il a agréé. Et le messager est l'intermédiaire entre Allah et son serviteur dans la clarification de la législation. Hein? Tandis que dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, entre l'homme et Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'adoration. Mais dans la transmission du message, oui, il y a des intermédiaires. Parce que hein, il y a Jibril et il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont reçu la révélation, Jibril qui a amené la révélation au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis le message en commençant par l'exemple des sahaba, et les sahaba qui l'ont transmis aux tabi'in, et tabi'in à ceux qui les ont suivis jusqu'à nous. Donc il y a des intermédiaires dans la transmission de la révélation, mais pas dans l'adoration, contrairement aux chrétiens et aux autres mouchriquins qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Ça, c'est du shirk. Le shirk dit ensuite وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وَعْدِهِ وَوَعْدِهِ وَتَبْلِغِ وَحْيِهِ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قُرْآنًا وَسُنَّةً وَقَدْ كُلِّفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وبقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé son messager de transmettre sa révélation dans le Coran et la Sunna. Et ça, c'est mentionné dans plusieurs versets. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 67 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. » Et l'autre verset dans lequel il dit, dans le verset 54 dans Surat Al-Nur, « Et il n'incombe au messager que de transmettre la religion de façon claire. Et le verset 44 dans Surat al-Nahl, et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes ce qui leur a été révélé. Et le verset 125 dans Surat al-Nahl appelle ou invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et argumente avec eux ou discute avec eux de la meilleure façon. Et donc, dans ces versets, il y a l'explication de la clarification du devoir et de la tâche des messagers, c'est-à-dire d'établir l'obligation de transmettre, de clarifier et d'inviter à Allah, hein, et d'inviter à sa législation que Allah a légiféré pour ses serviteurs et qu'il a agréé pour eux. Et il dit ces ordres divins, ces trois ordres divins, c'est-à-dire la transmission, la clarification et l'invitation, ces trois ordres-là, pour qu'elles soient appliquées, le cheikh il dit التي تقدم ذكرها في طي الآيات السابقة تحقق وردا واحدا وهو دلالة الخلق على الطريق الموصلة إلى الخالق. Donc ces trois choses là que Allah a ordonné au messager, c'est pour arriver à la réalisation d'une chose, c'est d'indiquer à la création le chemin qui les amène vers leur créateur, hein, et pour qu'ils soient satisfaits d'eux et pour qu'ils puissent les honorer en les faisant rentrer dans son paradis, يعني لقاء ما قاموا به من أداء ما أوجبه الله عليهم في هذه الدار من تحقيق العبودية وليصدق وليصدق في حقه عليه الصلاة والسلام قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc c'est ça, pour qu'il puisse obtenir sa récompense et établir établir ce qu'Allah leur a ordonné dans cette vie d'ici-bas, et de réaliser l'adoration d'Allah et de réaliser son droit, hein, pour qu'il soit sincère et véridique envers ce droit-là. Et aussi par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est une miséricorde pour les mondes, hein, dans le verset 107 dans Surat al-Anbiya. Et certes, c'est une miséricorde qui est une guidance pour l'humanité. Et Naam, donc c'est une lumière, hein, qui nous aide à comprendre son livre. Et donc la sunna, c'est la clarification de ce livre-là. Et donc c'est qu'est-ce qui nous aide à transmettre et à inviter les hommes à Allah. Après avoir dit tout ça, le cheikh il dit que il dit فلا يشك مسلم مهما حط يعني peu importe le peu de science que tu as, le peu de culture que tu peux avoir, hein, lorsque tu as un peu de connaissance même du messager sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que ce qu'il a transmis de son Seigneur, c'est le Coran. Et il dit ça, c'est la foi en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, qu'est-ce qu'il a fait descendre sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a transmis cette révélation-là et qu'il a clarifié pour les hommes. Peu importe ton niveau de science, tu sais ça. وَأَجَابَ عَلَى أَسْئِلَتِهِمْ وَاسْتِفْسَارَاتِهِمْ. Donc il a expliqué il a répondu à leurs questions et il a clarifié leurs questionnements dans plusieurs sujets. Il les a appris, ou les a appelés plutôt, à prendre ce qui est venu de leur Seigneur comme révélation. وَلَمْ يَفْتُرْ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى إِلْتَحَقَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. Il n'a jamais cessé son invitation à la vérité et à la foi jusqu'à ce qu'il réalise cet objectif-là. نعم. إِنَّ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْإِيمَانِ أَصْلٌ مِنْ أُصُلِ الدِّينِ. Cette quantité-là, cette portion de la foi, c'est une base parmi les fondements de cette religion-là. Et c'est la base sur laquelle tout ce qui vient après est établi parmi les obligations de la religion. وَإِذَا كُنَّا نُؤْمِنُ هَذَا الْإِيمَانِ يَجِبُ أَن نُؤْمِنَ الَّذِي يَجِبُ أَن نُؤْمِنَ فَأَيْنَ نَجِدُ بَيَانَهُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ امْتِثَالُ لِتِلْكَ الْأَوَامِرِ التَّبْلِيغِ والتبيين والدعوه. Donc il dit, si on sait que ça c'est obligatoire et qu'on doit croire en ça, c'est obligatoire pour nous d'y croire, où est-ce qu'on va trouver la clarification de qu'est-ce qui vient réaliser ces trois ordres divins, de transmettre, de clarifier et d'inviter? La réponse c'est qu'on va le trouver, on peut le trouver nulle part ailleurs que dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, قَيَّضَ اللَّهُ لَهَا من شاء من عباده وهم جهابذة علماء المسلمين فحفظوها وصانوها من كل مختلف وكل معنى معنى مزيف ليصدق قوله وقوله الحق وخبره المصدق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. La réponse c'est que c'est par la sunna. Hein? C'est par la sunna qu'on peut connaître la façon de mettre en application ces trois ordres divins, de transmettre, de clarifier et d'inviter à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans cette umma des ulama qui sont des protecteurs et les défenseurs de la sunna, et ils ont protégé donc cette religion comme Allah a promis de le faire dans le verset dans lequel il dit, dans le verset 9, nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Et donc الذكر المنزل المحفوظ هو القرآن بالدرجات الأولى وقد حفظه الله بما شاء وكيف شاء وتدخل السنة في عموم الذكر في الدرجة الثانية عند التحقيق وإنعام النظر. Donc quand Allah dit qu'il dit nous préservons, nous avons fait descendre le rappel et nous le préservons, ça comprend donc au premier degré le Coran et ça comprend également au deuxième degré la sunna aussi. C'est-à-dire que la sunna elle est autant préservée que le Coran. C'est pas que seulement le Coran qui est préservé. Allah dit le zikr, et le zikr c'est le rappel, et le rappel comprend pas seulement le Coran mais le Coran et la sunna. Et la sunna bien entendu c'est les paroles et les actions et les l'approbation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour la première partie, hein, et on continuera inshallah à la prochaine intervention un peu plus tard inshallah de lire une seconde partie du livre Makanat as-Sunnah fi at-Tashri' al-Islami du Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.